Ça fait plaisir de vous retrouver ici sur Énergie. Je m'appelle Lionel. Les Energy Music Awards 2013. Hey, c'est la folie, hein. On est la seule radio à pouvoir rassembler autant de stars au même endroit le même soir, les Energy Music Awards 2013, 20h50, le grand direct sur Energy et TF1. Et jusque-là, les coulisses, les derniers préparatifs à vivre sur le yacht Energy et dans toute la France. Il y a Dorothée à Reims qui me dit « Je suis dégoûté de ne pas être là avec vous sur le yacht Energy. Est-ce que le commandant est canon ?» Oui, le commandant est canon, Dorothée à Reims, il s'appelle Mathieu. Mathieu et Laurence, je vais les embrasser très fort parce que l'accueil a été super sur le yacht Energy à Abyss Yachting. Merci aussi à la capitainerie du port de Cannes. Voilà, on a tout bloqué. Il y a des centaines de personnes devant le yacht Energy. Vous êtes dans toute la France, vous balancez vos messages sur ma page Facebook Lionel Energy. Vous allez voir toutes les vidéos, toutes les coulisses. On a filmé et on a fait des gros reportages sur energy.fr. N'hésitez pas à balancer vos messages. Et puis avant de recevoir la section d'assaut, on va le laisser s'installer. On va s'écouter Pitbull et Christina Aguilera sur Energy. A tout de suite. C'est Lionel sur Energy, soyez les bienvenus. Les Energy Music Awards 2013. Je suis comme un dingue ici sur le yacht Energy. C'est ça l'ambiance des Energy Music Awards. Il y a les plus grandes stars qui seront là ce soir en live sur Energy et TF1 à partir de 20h50. Et là, il y a le plus grand groupe francophone de l'année 2012. La meilleure vente d'albums en 2012, c'est eux, la section d'assaut. Je sais qu'il y a du monde devant le yacht pour faire du bruit pour la section d'assaut. Bonjour. C'est là les choses à fond, dans le calme le plus total, j'ai envie de dire, mais c'est faux parce que la folie devant le yacht, le public en folie depuis hier, qui supportent, qui soutiennent, qui nous poussent, c'est grâce à eux, ça c'est leur album aussi, cet apogée, c'est leur apogée. Tu vois, aujourd'hui c'est 700 000 albums vendus, on vise le million. C'est un truc de ouf. C'est foutu award, mec. On le veut. En plus, c'est hier soir. Hier soir, c'était mon anniversaire. D'accord. Donc ça sera un bête de cadeau là d'avoir un award là. Attends, JR, tu sais que t'es né le même jour qu'Alicia Keys? Ah ouais? Je te jure, hier c'était bon, si je la vois tout à l'heure, je vais faire une photo avec elle. Alors. Il y a un moyen, tu vois, de rapprochement, tout ça. On a un point en commun. Bon, les gars, les impressions Black M. Impression, première nomination Energy Music Awards, première ambiance comme ça. Regarde. Ah, j'entends, ça change. Ça change, joyeux anniversaire, Gilles. Merci à tous, merci, c'est gentil. Black M, impression. Regarde mon sourire. Tout va bien, on kiffe. Premier award, on espère remporter, voilà. Et de voir les Wattis soldats qui sont tout le temps là, c'est un truc de ouf. Incroyable. Ils sont toujours là, c'est un super plaisir. Hier soir, on dirait qu'ils ont même pas bougé. Il y a des questions qui arrivent pour savoir, parce que ça c'est une vraie question. Et Tatiana qui habite au Chemin Bas d'Avignon à Nîmes, qui demande si vous gagnez le Energy Award de la chanson francophone de l'année, peut-être du groupe francophone, il y en a deux ce soir, deux nominations. Ouais. Qui c'est qui prend le trophée? On le prend tous ensemble. On va tous le prendre. Vous coupez ou quoi, non? Il y en a pas plusieurs. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Tu crois qu'il y en a combien? Il y en a 8, 10, non? Il y en a un seul, écoute, je crois. On le mettra à la boutique de notre label. Bon, 2012, ça a été l'année de ouf. 2013, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une année de dingue. 2013, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça va être dingue parce que la folie, pareil. Il y a pas mal de sorties de l'album YCB. On va commencer par le 2013. Prends le micro de Black M. Prends le micro. Raconte-nous, dis-nous. Je disais qu'en 2013, il va se passer des choses très très bizarres parce que. On va encore occuper la toile et les ondes. La toile. Parce que y a mon album solo qui arrive le 20 mai. Ouais. Le 20 mai. Subliminal le 20 mai. Une date à retenir. Suivi de l'album de Black Mainstream qui arrivera un peu plus tard, qui sera communiqué dans Subliminal. D'accord. Suivi de l'album de Maska. Ça va être dingue. D'accord. Mais ça va être dingue. Justement, il y en a qui posaient la question, est-ce que Maska, est-ce que. C'est pas une séparation. Voilà. Ce n'est pas une séparation. C'est un épanouissement personnel. C'est une façon de présenter notre univers. D'accord. À chacun. Tu vois, afin d'être découvert davantage, de s'épanouir, de se lâcher un peu, tu vois, parce qu'on a tous un univers, on est tous des monstres marins individuels, tu vois, et on se réunit pour voilà, pour tout exploser. Là, on se sépare un peu, histoire de faire des trucs solo, de se retrouver un peu seul et de ramener un peu des trucs un peu personnels, des morceaux sur notre vie, notre parcours. Mais ce n'est pas une séparation en soi, c'est juste un moyen de s'épanouir un peu plus et de faire de l'artistique et de se régaler un peu, tout simplement. Okay. À commencer par Subliminal le 20 mai, qui va venir mettre, qui va faire. Très très mal. C'est ce que j'ai dit hier à Koé. Il va venir. Non, on n'a pas dit à Koé, on a dit à une interview de Energy justement. Ça va venir bouleverser pas mal de choses. Mmh. Ça va mettre des gens en galère. Mais c'est pas du tout une attaque où je d'accord. suis obligé de faire, de faire, de le dire. C'est pas la prétention. Chose de très très grave. Et là, vous êtes tous au Energy Music Awards. Il se passe quoi dans les coulisses d'Energy Music Awards? C'était quoi la journée, par exemple, Maska? Aujourd'hui, vous avez répété? Non, on n'a pas répété. On s'est levé tôt pour aller prendre des costumes histoire de briller, d'accord. histoire d'avoir l'air comme les autres. Ah, donc Starco, voilà. C'est quoi le... Exactement. Ouais, d'accord. Voilà, tous en costard. Et puis après voilà, on se prépare petit à petit à la pression de tout à l'heure et au sourire qu'on est censé avoir en fin de soirée. Barak, il y a des artistes avec qui vous êtes rapprochés. Je sais qu'il y a plein de copains que vous croisez. On appelle ça le game dans le jargon du rap. Dans le game. Dans le game. Ouais, dans le game, on connaît pas mal de gens. Oui, Youssoupha, c'est un grand ami. Orelsan. On a croisé Tal hier. On aime bien Tal. Pokora. On aime bien Pokora. Ouais. Vous avez un peu tout le monde. Il y a Psy, il vous a pas appris à danser le. On l'a pas vu. On l'a pas vu encore. Je sais qu'il est passé hier sur Lyon. Vous êtes pas croisé, non? Vous êtes non, passé pas, après. Non. On est très souvent à l'hôtel. On reste concentré un peu. D'accord. Ça travaille sur les projets. Ça travaille sur Subliminal. Donc on est à l'hôtel. On travaille sur Subliminal avec Gims sur son solo. Donc on est très concentré. Très bien. Un dernier mot pour tous les fans qui ont voté pour vous pour ces Energy Music Awards. Tous les Wattis soldats comme vous les appelez. Écoutez, ce soir on va interpréter avant qu'elle parte. Il y a un vote, on compte sur vous, on va se donner, on compte sur vous. C'est votre award aussi. On s'est battu pour ça, les Wattis soldats, vous savez très bien. On n'a pas le droit de nous le voler. Il faut voter ce soir, il faut se battre. Il y a des monstres un peu partout ce soir. Mais vous savez très bien. Vous savez, le maître a parlé. On a vécu le dream ensemble, on compte sur vous ce soir. Ce dream, il est à vous, il est à nous et il va continuer. Un dream, ça se vit en famille, ensemble. Et vous êtes de la famille. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour la section d'assaut. Merci d'être passé sur le yacht Energy cet après-midi. Merci gros. Merci beaucoup. Big up pour ce soir. Bonne chance pour les différentes nominations. Yeah. Et peut-être Subliminal pour les trophées. Subliminal le 20 mai. Section d'assaut. Au taquet. Vous êtes sur Energy. C'est Hit Music On Air non-stop. On enchaîne avec Edouard Maya. Bon après-midi.